Amis auditrices, amis auditrans, amis auditeurs, bonjour. L'histoire de Radio Caroline. La légendaire radio pirate anglaise des années 60. Première partie. Écoutez. C'est l'histoire non pas d'un mec, quoique, mais de plusieurs mecs, pirates des ondes de leur état. Les pirates dont il s'agit ici sont de l'espèce qui ne cherche nullement à nuire à autrui, mais au contraire à lui apporter du bonheur et une bonne dose d'énergie positive. Nous sommes en 1964 en Grande-Bretagne. À cette époque, les compagnies de disques et la BBC ont le contrôle absolu et le monopole sur ce qui est diffusé à la radio. Silence radio, c'est le cas de le dire, ou presque, sur la pop et le rock, qui n'ont pas la cote sur cette radio très officielle, aux grandes dames des amateurs de ces genres musicaux. Un rapide retour en arrière s'avère nécessaire pour comprendre les raisons du monopole du gouvernement britannique et de la BBC. En 1920, lorsque les tout premiers programmes de TSF furent diffusés en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique se rendit immédiatement compte du potentiel de communication que pouvait apporter cette nouvelle technologie, et décida de placer la radio sous contrôle absolu de l'État. La BBC fut créée dès 1922. Il fallait alors payer une licence pour pouvoir posséder un poste de radio, comme on le fait toujours aujourd'hui avec les redevances télévisuelles, et bien sûr, le contenu des programmes était strictement contrôlé. Les auditeurs britanniques ne pouvaient écouter que la BBC, puisqu'il n'existait rien d'autre, et visiblement, au fil des ans, une grande partie d'entre eux trouvèrent assez rasoir les programmes éducatifs que diffusait la radio, car la demande de programmes plus populaires ne fit qu'augmenter. Mais la BBC ne répondit pas à cette demande et continua paisiblement à diffuser, en plus de ses quelques émissions musicales, des discours, conférences, cours, pièces de théâtre, conseils de cuisine. Des programmes en anglais émanant de stations basées à l'étranger furent alors diffusés sur le sol britannique, ce qui fit grincer beaucoup de dents du côté du gouvernement, et de la BBC aussi bien sûr. L'audience de ces radios étrangères augmenta régulièrement. On peut citer parmi elles Radio Lyon, Radio Normandie, basée à Fécamp, que toute l'Angleterre du Sud recevait, Londres y compris, et Radio Luxembourg. Bien que la chose fût parfaitement légale, le gouvernement britannique de l'époque sortit alors ses griffes et prit d'énergiques mesures non pas pour faire taire ses radios concurrentes, puisqu'elles n'en avaient pas la possibilité, mais pour leur mettre un maximum de bâtons dans les roues. Ainsi, les journaux britanniques furent invités à cesser d'imprimer les programmes de ces radios, à qui l'on fit payer des droits de diffusion énormes, et la BBC invitée également à ne pas embaucher quiconque aurait travaillé pour ces radios continentales, ou eu affaire, de près ou de loin, avec elles. Cela n'empêcha pas ces radios étrangères de voir leur audience continuer de grimper de manière considérable. Un seul exemple, 45% des Britanniques qui écoutaient la radio le dimanche étaient branchés sur Radio Luxembourg. La BBC n'arrivait à intéresser que 35% d'entre eux. La BBC ne retrouva son monopole qu'en 1939 quand la guerre se chargea de faire taire les radios concurrentes. Les années 50 virent le déferlement, enfin presque, du rock and roll américain en Europe. La BBC, pas totalement hermétique, s'ouvrit à ce nouveau genre, en lui accordant deux courtes émissions par semaine, mises sous la supervision de présentateurs confirmés et très, très convenables, qui se comportaient à l'antenne, peut-on lire, comme des maîtres d'école parlant à un parterre de gamins. L'autre possibilité pour écouter du rock était de se tourner vers Radio Luxembourg, la seule station continentale à avoir survécu à la guerre. Cependant, les grandes compagnies de disques s'occupaient de la programmation sur cette radio que les Britanniques ne parvenaient pourtant à capter que le soir, et ne diffusaient bien sûr que les artistes qu'ils produisaient. Pas ou peu de place, donc, pour les nouveaux venus sur la scène britannique, imprégnés de musique américaine qu'ils avaient adaptée à leur propre culture. Notons que le monopole de la BBC fut cassé pour la branche télévision en 1954 avec la création, appuyée par Winston Churchill, de la chaîne ITV. Mais ce monopole demeura intact pour la branche radio de la compagnie. Nous sommes donc maintenant en 1964 et, comme je le disais plus haut, les Britanniques paient une redevance sur leur poste de radio, mais n'ont toujours pas leur mot à dire sur ce que cette radio diffuse. Ronan O'Reilly, jeune producteur irlandais de 24 ans, nouveau sur le marché du disque, vient de créer son propre label indépendant, puisque personne ne veut enregistrer ses artistes. Georgie Fame est l'un des artistes qu'il produit. En toute logique, Riley débarque un jour à la BBC avec le disque que son artiste vient d'enregistrer, croyant pouvoir le faire jouer. Il lui faut peu de temps pour se rendre compte que les ondes sont littéralement verrouillées par les grandes maisons de disques. Sa visite à Radio Luxembourg ne s'avérera pas plus concluante, puisque, on l'a également vu plus haut, les grandes maisons de disques y avaient là aussi le monopole de la programmation, et que de toute façon la grille des programmes était complètement saturée. C'est alors que germe dans son esprit frustré l'idée complètement dingue de créer une radio pirate. C'est donc aussi l'histoire d'un mec, un seul, car Riley est vraiment le personnage charismatique de cette histoire, et sans lui, rien ne serait sans doute jamais arrivé. Just going for several rides. Ten. For more than 20 years now, we've been hosting the Blind National Sailing Championship. L'idée d'une radio pirate n'est certes pas nouvelle, et les Hollandais le font d'ailleurs depuis 1960 avec Radio Veronica, en compagnie de la toute première radio pirate britannique, CNBC, qui émet quelques heures chaque jour depuis le même bateau, le Borkum Riff, et que le producteur australien Alan Crawford a lui aussi son propre projet, baptisé Project Atlanta. Pas question bien entendu de faire émettre ce genre de radio depuis la terre ferme. Radio Veronica émet au large des côtes hollandaises, en eau internationale où s'applique la loi du pays où est enregistré le bateau. Radio Caroline, dont le bateau sera enregistré à Panama, fera donc de même. Le nom, Radio Caroline, vient d'une photo de JF Kennedy regardant danser ses deux enfants, dont sa fille Caroline, dans le salon ovale de la Maison Blanche. Cette petite fille aurait été perçue par Ronan O'Reilly comme un élément perturbateur de la bonne marche du gouvernement. Ronan O'Reilly achète alors un ancien ferry danois, le Fredericia, rebaptisé MV Caroline, mais les anciens de Radio Caroline, qui participent parfois à des conférences en Grande-Bretagne, continuent de l'appeler Fredericia, qu'il va transformer en Irlande en station de radio équipée en matériel dernier cri. Il ira ensuite l'ancrer dans les eaux internationales, donc, au large des côtes britanniques de l'Essex, et il se lance, en compagnie d'Alan Crawford, à qui il a proposé ses services pour finir d'équiper Mi Amigo, son bateau, et qui se jette à l'eau au même moment que lui, dans l'incroyable aventure de la piraterie maritime du XXe siècle, version rock'n'roll. Au tout début, les animateurs de Radio Caroline ne savaient même pas s'il y avait un quelconque terrien pour les écouter. La technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Leur oscillateur indiquait bien que le signal était émis, mais aucun moyen de savoir s'il était reçu et écouté. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dès le lancement de la radio, ce fut un véritable raz-de-marée. 5 semaines après les débuts de Caroline sur les ondes, on leur apprit qu'il avait déjà plus de 6 millions d'auditeurs. L'audience de la radio décolle donc en flèche. La radio de Crawford, ancrée elle aussi au large de l'Essex, finit par fusionner avec celle de Riley et devient Caroline Soot, tandis que le Fredericia s'en ira, comme il était initialement prévu, au large de l'île de Man, et devient Caroline North qui, en raison de sa position géographique, offre désormais également ses programmes aux auditeurs irlandais. Alan Turner, l'un des animateurs de l'époque, aime à raconter aujourd'hui qu'avant que l'ancre ne fût levée pour se rendre sur l'île Seman, il eut l'idée de se servir d'un gros miroir pour envoyer des signaux sur la terre ferme. Quelle ne fut pas sa surprise de voir alors la côte tout entière s'animer de milliers de petits flashs lumineux qui répondaient à son signal initial. L'ancre fut levée à minuit, et le voyage vers l'île de Man commença. Même si la réception de Radio Caroline n'était parfois pas parfaite, selon l'endroit où les gens se trouvaient, pour la première fois une radio émettait de la pop sans interruption. Une véritable révolution à l'époque. Certains gamins écoutaient Caroline en cachette de leurs parents, le soir depuis leur chambre à coucher, sur des petits transistors, ou depuis le grenier comme le relate le témoignage de cette personne désormais installée en France. Il faut avoir à l'esprit que les animateurs et membres d'équipage de Radio Caroline vivaient en permanence sur les deux bateaux, même s'ils prenaient parfois des pauses à terre. Et les bateaux étaient tout, sauf des palaces 4 étoiles. Pendant que les auditeurs écoutaient les émissions dans le confort de leur « home sweet home », la vie à bord était très rude. Le Mi Amigo était plus petit et bien moins confortable que le Fredericia. Mark Sloan, qui a vécu sur les deux bateaux, compare volontiers le Mi Amigo à un sous-marin. Les animateurs partageaient parfois les cabines. À les entendre, on se demande même s'il y avait l'eau chaude à bord. Pour couronner le tout, il arrivait que le temps soit pourri, ballottant les bateaux dans tous les sens. Le Mi Amigo grinçait beaucoup, même par temps calme, ce dont pourtant les animateurs ne se préoccupaient guère lorsqu'ils étaient à l'antenne. Tony Blackburn a fait de la radio toute sa vie, et présente actuellement Pick of the Pop tous les samedis sur BBC 2 dans une vidéo. Tony Blackburn raconte que lorsqu'il était à l'antenne pendant les tempêtes, il lui arrivait de balancer volontairement les cendriers pour créer une ambiance sonore plus dramatique à bord. Les auditeurs, pareil, adoraient ça. Certains animateurs avaient le mal de mer. Parfois vous étiez à l'antenne pour deux sessions de 4 heures, en fonction de qui était malade. Relate Empereur Roscao, et son non moins légendaire Ménat, qui se rendit célèbre, notamment, grâce à son émission, Radio Moscow, qu'il diffusait depuis Caroline Soute. Cela n'empêche pas les anciens animateurs de Radio Caroline d'affirmer aujourd'hui qu'ils ont passé à bord de ces bateaux des moments fantastiques, et de raconter parfois les anecdotes de leur vie à bord avec une pointe de nostalgie dans la voix. Et comment ne pas, en effet, passer des moments de vie fantastiques, même si la vie peut s'avérer très dure, lorsqu'on vit à bord d'un bateau pirate, où l'on écoute de la bonne musique, de la vraie bonne musique du matin au soir et du soir au matin. De nombreux jeunes artistes inconnus de l'époque doivent d'ailleurs leur notoriété à Radio Caroline, qui a diffusé leurs morceaux et les a propulsés sur le devant de la scène alors que les autres radios les ignoraient superbement. Roger, Twiggy, Day, qui a conservé son esprit rebelle et anticonformiste, affirme d'ailleurs aujourd'hui qu'il est prêt à recommencer à la première occasion. Nous ne le faisions pas pour l'argent, nous le faisions parce qu'on y croyait. Nous ne l'avons pas fait pour devenir célèbre, mais parce que nous aimions cela. Roger Day, 50e anniversaire de Radio Caroline à Rochester le 8 mars 2014. Disponible en DVD sur le site de Radio Caroline. On peut également voir quelques photos du 40e anniversaire, en 2004. La notoriété des DJS n'était pas au programme, et quiconque se serait pris pour une star n'aurait pas été accepté, fait aujourd'hui remarquer Tom Anderson. Je n'ai jamais pensé que j'étais plus important que la musique. Je n'ai fait que présenter le talent des autres, Roger Day disait l'argent n'avait pas d'importance, d'ailleurs les personnes à bord n'étaient quasiment pas payées. Il y avait à bord toutes les couches sociales et tous les contextes éducatifs. Certains avaient fréquenté des écoles publiques, State School, d'autres des écoles privées UP, Public School. Cela ne posait aucun problème, tout le monde étant embarqué sur le même bateau, à tous les sens du terme. Aujourd'hui, tous les anciens DJS de Radio Caroline, certains ne sont malheureusement plus de ce monde, le disent, ils formaient une sorte de famille, et aujourd'hui encore, avoir vécu sur l'un ou l'autre des bateaux, voire sur deux bateaux comme c'est le cas par exemple pour John Aston, sur le Fredericia et le Mi Amigo, ou Tom Anderson, Mi Amigo puis Ross Revenge, un troisième bateau dont nous reparlerons plus loin, marque l'appartenance à cette étrange famille composée des anciens de Radio Caroline. En Grande-Bretagne, Radio Caroline est désormais une légende, et ceux qui ont fait partie de cette incroyable aventure, du mécanicien au DJ en passant par le cuisinier hollandais du Fredericia, sans parler bien sûr de Ronan O'Reilly, sont désormais considérés comme légendaires, une légende qui ne s'est jamais vraiment tue, et continue d'émettre désormais sur Internet. Une campagne de soutien a lieu depuis 2010 pour qu'une fréquence radio lui soit accordée. Radio Caroline Support Group. Fin de la première partie. Vous écoutez Radio Parasite. Ça tue.